Attention, ceci est une publicité pour mon cul. Vous rêvez d'un ustensile domestique sur lequel vous pourriez vous asseoir et avec lequel vous pourriez occuper vos mains ? Cet ustensile révolutionnaire existe, il s'agit de mon cul. Mon cul est le seul à pouvoir vous garantir des heures et des heures de position assise sans aucune fatigue ni ennui. De plus, mon cul est très agréable à regarder et fera très bonne impression lors de vos diverses sorties en public. On peut y mettre les mains et inciter ses amis à faire de même et ainsi donner une touche d'originalité à la soirée. Mon cul, c'est aussi une gamme de 30 odeurs différentes de l'œuf pourri au plastique fondu. Des recharges d'odorifères sont en vente séparément, alors n'hésitez plus et voyagez en compagnie de mon cul. Des égouts de New York au faubourg lépreux de Calcutta, des centrales nucléaires d'Ukraine aux usines de retraitement chimique de Manchester. Lorsqu'il s'agit des saveurs du monde entier, mon cul ne connaît pas de frontières. Son orifice multifonction ne laissera aucun membre de la famille indifférent et vous étonnera par son aspect pratique. Mon cul est bien évidemment livré avec ses poils et un kit d'entretien contenant notamment un gant de toilette en laine de yak et un savon sur gras pour toujours plus de douceur. Commandez dès à présent mon cul par téléphone au 08 26 56 42 624 pour seulement 34 centimes la minute. Nous ne pourrons être tenus responsables des dégâts occasionnés par l'introduction d'un doigt ou de tout autre organe dans mon cul.